Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des âmes mortes. Devant le feu qui s'éteint, ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.